Chapitre 8e. Mauvais rêve et pire réveil. La soudaine et triste mort de Gaston de Lancy causa une sensation considérable dans Paris, d'autant plus considérable que le grand nombre l'attribuait au poison. Administré par quelle main ou par quel motif, nul ne pouvait le deviner. Il y eut néanmoins un récit qui circula et qui fut cru par quelques personnes, quoiqu'il eût une très faible apparence de probabilité. On faisait courir le bruit que dans l'après-midi qui avait précédé la soirée dans laquelle de Lancy était mort, un étranger avait réussi à s'introduire dans les coulisses du théâtre et qu'on l'avait vu en conversation animée avec l'individu chargé de fournir les coupes de vin pour la scène d'empoisonnement dans Lucrèce Borgia. Certaines personnes allaient jusqu'à dire que cet étranger avait corrompu cet employé pour lui faire jeter le contenu d'un petit paquet dans le fond du verre donné sur la scène à de Lancy. Mais très peu de personnes ajoutaient foi à une histoire aussi invraisemblable et qui, bien entendu, fut énergiquement démentie par l'individu en question. Les médecins attribuèrent la mort du jeune homme à une apoplexie. On ne fit aucune enquête sur le cadavre et, pour obéir à la volonté de sa mère, il fut enseveli à Calais et ses funérailles se firent sans bruit. Paris oublia bientôt son favori. Quelques-uns de ses portraits, le représentant dans un ou deux de ses principaux rôles, furent exposés quelque temps dans l'étalage des librairies à la mode. Une courte notice parut dans plusieurs journaux et dans une ou deux revues, et après 15 jours, il fut entièrement oublié. Utilité à un grand général ou à un grand ministre, je ne suppose pas qu'on se fût souvenu de lui plus longtemps. Le nouveau ténor avait un beau teint et des yeux bleus, et 2 notes de plus de fausset. Aussi l'opéra fut-il aussi brillant que jamais, quoique Lucrèce Borgia ne figura pas sur l'affiche pendant le reste de la saison. Un mois après la mort de Lancy, les médecins déclarèrent que Mademoiselle de Sébène était suffisamment rétablie pour quitter Paris et pour se rendre en Normandie dans le château de son oncle. Sa maladie avait été terrible. Pendant plusieurs jours, elle eut le délire. Ah, qui pourrait décrire les épouvantables rêves de ce délire, rêves d'angoisse que ces phrases brisées pouvaient si peu exprimer. La figure de l'homme qu'elle avait aimé, dans toutes ses phases, passa devant elle et prit toutes les expressions, tantôt rêveuses, tantôt rayonnantes d'animation radieuse, puis cyniques ou pleines de mélancolie, mais toujours distinctes et palpables, toujours devant elle, nuit et jour. Le tableau de sa première rencontre avec lui, son mariage secret, la petite chapelle à quelques lieues de Paris, le vieux prêtre, la cruelle découverte dans le bois de Boulogne, la scène de la trahison, le petit appartement de M. Blurausset, les cartes et le poison. Chaque action de cette sombre période de sa vie se présentait dans son cerveau en désordre, toujours et toujours, 100 fois pendant les longues journées et 100 fois pendant les nuits plus longues encore. De sorte que le mois finissant, étant assez forte pour passer d'une pièce dans une autre, elle n'offrit aux yeux de son oncle que les débris de sa superbe et charmante héritière. Le château du Marquis, à quelques lieues de la ville de Dijon, était situé dans un parc aussi sauvage et aussi inculte qu'une forêt. Un parc rempli de vieux arbres énormes et composé de terrains marécageux et couverts de roseaux avec des mares d'eau stagnante qui, dans le bon temps du vieux régime, étaient battus pendant la nuit par les paysans soumis afin que monsieur le marquis pût dormir dans son lit de boule à la Louis XIV sans être troublé par les croassements des grenouilles. Tous les bâtiments d'alentour tombaient en ruine, le château avait été saccagé et une de ses ailes brûlée en 1793. Le marquis, alors petit garçon, avait fui avec son père vers les rivages hospitaliers de l'Angleterre, où, pendant 20 ans et plus de sa vie, il avait vécu dans la misère et dans l'obscurité, enseignant sa langue natale, les mathématiques, la musique, tantôt une chose, tantôt une autre, pour gagner son pain de chaque jour. Mais, avec la restauration des Bourbons, arriva la restauration du marquis dans ses titres et dans sa fortune. Un riche mariage avec la veuve d'un opulent bonapartiste rétablit la maison des deux Sébène dans sa primitive splendeur. Et en considérant aujourd'hui le chef hautain et majestueux de la famille, il était difficile d'imaginer que cet homme avait enseigné le français, la musique et les mathématiques, à quelques shillings le cachet, dans les obscures écoles d'une ville manufacturière d'Angleterre. Le parc désolé qui entourait le château en ruine, plus désolé encore, était couvert d'une couche blanche de neige, sur laquelle passaient les domestiques et les servantes, les paysans des environs, allant et venant du village pour quelques messages ou quelques commissions, enfonçant jusqu'aux genoux, ou bien près de se perdre dans quelques trous imprévus sur lesquels les flocons blancs avaient été entraînés, et s'était accumulée en masse d'une profondeur dangereuse. Les sombres appartements aux boiseries de chêne, occupés par Valérie, donnaient sur le désert revêtu de neige et avaient un aspect remarquable de tristesse par un jour mourant de février. De sévères portraits des aïeux morts de cette noble maison jetaient de leurs lourds encadrements des regards courroucés sur la pâle jeune fille, moitié assise, moitié couchée sur un grand fauteuil, dans la profonde embrasure de la croisée. Un baron terrible, recouvert d'une cotte de mailles, qui était tombé en combattant au désastre d'Azincourt, tenait une hache d'armes levée, et dans l'obscurité du soir, il semblait à Valérie que le guerrier levait son arme avec un regard menaçant sous ses épais sourcils, qui s'animait d'une expression résolue quand ses yeux rencontraient ceux du portrait. De quelque côté qu'elle se tourna, les yeux de ses sombres peintures semblaient la suivre, tantôt avec un air menaçant, tantôt avec un air de reproche, quelquefois avec un regard mélancolique chargé d'une étrange et sinistre tristesse qui brisait son cœur et la glaçait jusqu'au fond de l'âme. Des troncs d'arbres brûlaient dans le grand foyer, supportés par de massifs chenets en fer, et leurs flammes tremblantes en tombant çà et là laissaient toujours les angles de la vaste pièce dans l'obscurité. La blancheur éclatante de la nuit glacée en pénétrant par les larges et hautes croisées luttait de puissance avec la clarté du foyer et la faisait pâlir, de sorte que les joyeux reflets jouant à cache-cache dans les nombreuses sculptures de la boiserie de chêne des murs et du plafond semblaient se dérober confus devant le rayonnement glacial d'un ciel d'hiver froid et bleu comme l'acier. Le visage pâle de la jeune malade, éclairé par cette lugubre lumière, paraissait presque aussi calme et aussi inanimé que celui de sa grand-mère, ayant poudre et mouche, qui lui souriait du haut du mur. Pas de livre à côté d'elle, pas de trace d'une occupation féminine quelconque dans cette grande chambre, pas d'amis pour la veiller ou lui tenir compagnie, car elle a refusé toute société. Elle est immobile, ses mains blanches pendantes sur les coussins de velours de son fauteuil, sa tête renversée comme dans un état complet d'abandon de toute chose en face de l'immensité de la terre, et ses yeux noirs fixés droit devant elle sur le lugubre espace couvert de neige qui s'étend au dehors. Ainsi elle est restée depuis les premières heures de la matinée, ainsi elle restera jusqu'à ce que sa femme de chambre vienne pour la conduire dans sa triste chambre à coucher. Ainsi elle reste quand son oncle lui fait une visite, et essaye par tous les moyens possibles d'éveiller un sourire ou de faire luire une étincelle d'animation sur ce visage de mort. En vérité, c'est le visage d'une femme morte, morte à l'espérance, morte à l'amour, morte au passé, encore plus entièrement morte à l'avenir, qui, ne pouvant rien réparer, ne peut plus rien lui donner. C'est ainsi que les courtes journées de février, qui sont si longues pour elle, s'éteignent pour faire place aux nuits d'hiver sans fin. Pour elle, le matin n'a pas de lumière, et les ténèbres ne finissent pas. Les consolations de cette sainte église sur lesquelles ses ancêtres des temps passés s'appuyaient comme sur un rocher d'une puissante et éternelle solidité, elle n'ose pas les demander. Le chapelain de son oncle, un vieillard aux cheveux blancs, qui l'a versé enfant dans ses bras et qui demeure au château, aimé et vénéré de tous, vient à elle tous les matins et dans chaque visite essaye de nouveau de gagner sa confiance, mais en vain. Comment pourrait-elle épancher dans les oreilles de ce bon et compatissant vieillard les secrets de sa fatale histoire? Sûrement il la repousserait de son sein avec mépris. Sûrement il lui dirait qu'il n'y a plus d'espoir pour elle, que même le ciel miséricordieux, toujours prêt à écouter les prières de tous les pécheurs, resterait sourd aux cris de désespoir d'une misérable aussi coupable qu'elle. Ainsi, impénitente et désespérée, elle use le temps et attend la mort. Elle pense quelquefois à l'habile tentateur qui lui a aplani la voie du crime et de la honte, dans laquelle elle a marché rapidement et qui, en agissant ainsi, semblait tellement faire partie d'elle-même et être si intimement liée à ses angoisses et à sa vengeance que souvent, dans l'accablement de son esprit bouleversé, elle se demande s'il n'était pas seulement l'incarnation hideuse de ses noires pensées. Il a parlé cependant de paiement, de récompense pour ses ignobles services. S'il était vraiment un être humain comme elle, la malheureuse, pourquoi ne venait-il pas réclamer ses droits? Tandis qu'elle médite ainsi, son oncle entre dans la chambre où elle est. « Ma chère Valérie, je suis fâché de vous déranger, mais un individu vient d'arriver à cheval de Dijon. Il a fait, dit-il, le voyage de Paris pour vous voir, et sait que vous lui accorderez volontiers une entrevue. Je lui ai dit qu'il n'était pas probable que vous voulussiez l'accorder, et que dans le cas où vous le voudriez, ce ne serait pas avec mon consentement. Qui peut être cette personne? Quelle impertinence de s'introduire ici à une telle heure! Son nom m'est entièrement inconnu. » Il remet une carte, elle la regarde et dit à haute voix, « Monsieur Raymond de Marolles, cette personne a raison, mon cher oncle, je veux la voir. » « Mais Valérie, » dit-il d'un air de remontrance. Elle le regarde, et ses joues pâles se colorent du sang espagnol de sa mère orgueilleuse. « Mon cher oncle, » dit-elle, « il est convenu entre nous, n'est-il pas vrai, que je suis ma maîtresse absolue en toutes choses, et que vous avez une entière confiance en moi. Quand vous cesserez d'avoir cette confiance, nous ferons mieux de nous séparer, pour toujours, car nous ne pourrions vivre plus longtemps sous le même toit. » Il jette un regard suppliant sur la figure inflexible, mais elle conserve l'immobilité de la mort. « Faites conduire, dit-elle, monsieur de Marolles, dans cet appartement. Je dois le voir et rester seul avec lui. » Le marquis la quitte, et après quelques minutes, Raymond entre dans la pièce introduit par le valet de chambre. Il a toujours son air bien élevé, son indifférence élégante qui lui sied si bien, et porte dans sa main une légère cravache à pomme d'or. « Mademoiselle, dit-il, me pardonnera peut-être de me présenter ainsi ce soir, si elle veut bien se souvenir qu'il y a déjà plus d'un mois écoulé depuis la triste aventure de l'opéra, et que j'ai quelque sujet d'être impatient. » Elle ne lui répond pas immédiatement, car un domestique entre, portant une lampe qu'il pose sur une table à côté d'elle, après avoir tiré en travers de la grande croisée les épais rideaux de velours qui interceptent la clarté de la froide nuit d'hiver. « Vous êtes étonnamment changée, mademoiselle, » dit Raymond en examinant à la lumière de la lampe son visage défait. « Peut-être, » répondit-elle d'un ton glacé, « je ne suis pas accoutumée au crime, et je ne puis en supporter facilement le souvenir. » Il s'occupe en l'écoutant d'ôter avec son mouchoir la poussière de ses petites bottes de cheval brillantes, puis, levant la tête, il dit en souriant, « Allons, mademoiselle, je vous crois plus de philosophie. Pourquoi vous servir de vilains mots ? Crime, poison, assassinat. » Il s'arrête entre chacun de ces trois mots comme si chaque syllabe était un instrument tranchant, et que chaque fois qu'il les prononce, il lui frappait au cœur, s'arrêtant pour calculer la profondeur de la blessure. De tels mots n'existent pas pour la beauté et les personnes de haut rang. Un être en dehors de notre sphère nous offense, et nous l'écartons de notre passage. Nous pourrions aussi bien regretter l'insecte venimeux que nous détruisons parce qu'il nous a piqué. » Elle ne daigne pas avoir l'air de comprendre ses paroles par le moindre regard ou le moindre geste, mais elle dit avec froideur, « Vous avez été assez sincère, monsieur, pour m'avouer, quand vous m'avez servi là-bas à Paris, que vous agissiez ainsi dans le but d'une récompense. Vous êtes ici, sans doute, pour la réclamer ?» Il lève les yeux sur elle avec un regard d'un éclat si étrange, et un si singulier sourire recourbe la noire moustache qui cache la ligne mince de ses lèvres, qu'elle ne peut s'empêcher de tressaillir en le considérant avec anxiété. Il a résolu que dans la partie qu'ils vont jouer, elle n'aura pas de carte cachée, et qu'il pourra lire, par conséquent, sur son visage privé de tout masque de froide indifférence. Après un instant de silence, il répond à sa question. « Je suis ici pour cela. »« C'est bien, monsieur. » « Soyez assez bon pour fixer la somme que vous réclamez pour vos services. »« Vous êtes déterminée, mademoiselle, à ce qu'il paraît, » dit-il, le même feu étrange brillant dans ses yeux, « vous êtes déterminée à ne me prêter que les sentiments les plus cupides. Supposez que je ne réclame aucune somme d'argent en paiement de mes services. » »« Alors, monsieur, je vous ai mal jugé. Vous êtes un scélérat désintéressé et, comme tel, digne du respect des méchants. » Dans ce cas, notre entrevue est terminée. Je suis fâché de vous avoir refusé la récompense que vous avez si dignement gagnée, et j'ai l'honneur de vous souhaiter le bonsoir. » Il pousse un éclat de rire long et sonore. « Pardonnez-moi, mademoiselle, dit-il, mais en vérité vos paroles m'amusent. Un scélérat désintéressé. Croyez-moi quand je vous dis que la scélératesse désintéressée est chose aussi impossible que la vertu désintéressée. Vous avez mal compris, mademoiselle, mais seulement à la nature de la récompense que je viens réclamer. Vous voudriez restreindre cette affaire à une question d'argent. Vous est-il impossible d'imaginer que j'ai agi dans l'espoir d'une récompense plus haute, que le prix le plus élevé, qu'aurait pu m'allouer votre crédit chez votre banquier ? Elle regarde d'un air égaré tandis qu'il s'arrête pour épousseter encore une fois ses bottes. Il lève la tête et jette un coup d'œil sur elle avec le même sourire terrible. « Vous ne pouvez alors deviner, mademoiselle, le prix que je réclame pour mes services de là-bas » demande-t-il. « Non. » « Voyons, mademoiselle, réfléchissez. Ce serait inutile. J'aurais pu imaginer que vous demanderiez la moitié de ma fortune, me trouvant d'une certaine façon en votre pouvoir. »« Oui, » dit-il en l'interrompant, « vous êtes d'une certaine façon en mon pouvoir, positivement. » « Mais la possibilité que vous puissiez réclamer de moi autre chose que de l'argent n'est jamais entrée dans mon esprit. »« Mademoiselle, quand je vous vis pour la première fois, ce fut des stalles de l'opéra, à travers une lorgnette. L'instrument, mademoiselle, était excellent, car il me révéla chaque trait et chaque nuance d'expression de votre beau visage. De l'observation de votre figure, je tirai deux ou trois conclusions sur votre caractère qui se trouve aujourd'hui confirmé complètement mes prévisions. » Vous êtes impressionnable, mais non prévoyante. Vous êtes résolue quand une fois votre esprit est fixé, mais cet esprit est facilement influencé par autrui. Vous avez de la passion, de l'intelligence, du courage, dons rares et magnifiques qui vous distinguent du reste des femmes. Mais vous ne possédez pas cette puissance de calcul, cette science d'induction qui ne voit jamais les effets sans les rapporter aux causes, et que les hommes ont désigné sous le nom de mathématiques. Moi, mademoiselle, je suis mathématicien. Comme tel, je suis en votre présence pour jouer avec vous une partie dangereuse et comme tel, maintenant que l'heure est venue où je puis étaler mon jeu, vous verrez que je tiens les cartes gagnantes. Je ne puis vous comprendre, monsieur. Pas encore, peut-être. Quand vous m'honorâtes d'une première entrevue, il vous plut de m'appeler aventurier. Vous employâtes l'expression comme un terme de reproche. Chose étrange, je n'ai jamais pris le mot dans ce sens. Quand il plut au ciel ou à la fatalité de me jeter dans un monde dans lequel ma vie n'a été qu'une longue lutte, il plut à cette puissance de ne me donner pour arme que mon intelligence dans ce grand combat. Ni rang, ni fortune, ni père, ni mère, ni ami, ni protecteur. Tout à gagner, rien à perdre. Combien j'avais déjà lutté quand je vous vis pour la première fois. Il vous serait difficile à vous, né dans ces grands salons vers lesquels je me suis efforcé de m'élever étant sorti de la boue des rues, il vous serait difficile, je le répète, de l'imaginer. Je vins à Paris il y a un an, possesseur d'une somme d'argent qui me paraissait une fortune, mais qui serait pour vous peut-être le revenu d'un mois. Je n'eus qu'un seul but, multiplier cette somme une centaine de fois. Je devins en conséquence un spéculateur, ou comme vous le dites, un aventurier. À titre de spéculateur, je pris ma place dans les stalles de l'opéra le soir que je vous vis pour la première fois. » Elle regarde, complètement égarée, tandis qu'il conserve son attitude nonchalante, jouant avec la pomme d'or de sa cravache, mais elle n'essaye pas de parler et il continue. « J'eus le bonheur d'apprendre d'un voisin que vous étiez une des femmes les plus riches de France. Savez-vous, mademoiselle, comment un aventurier, possesseur d'une figure passablement belle et d'une tournure suffisamment aristocratique, calcule généralement pour s'enrichir ou, si vous ne le savez pas, pouvez-vous le deviner ?»« Non, » dit-elle, le fixant en ce moment comme si elle était en catalepsie et qu'il eût sur elle un pouvoir magnétique. « Alors, mademoiselle, je dois vous instruire. L'aventurier qui ne se soucie pas de grisonner et de devenir décrépit en faisant fortune par ses moyens lents et incertains, que l'on appelle industrie honnête, cherche autour de lui une fortune toute faite, et qui n'attend que lui pour la réclamer. Il fait un riche mariage. Un riche mariage. » Elle répète les mots après lui comme machinalement. En conséquence, mademoiselle, en vous voyant et en apprenant l'étendue de votre fortune, je me suis dit, voilà la femme que je dois épouser. Monsieur. Elle se relève avec indignation, mais l'effort est trop grand pour son corps brisé et elle tombe d'épuisement à la renverse. « Non, mademoiselle, je ne dis pas « voilà la femme que j'épouserai », mais plutôt la femme que je dois essayer d'épouser. Car à ce moment, ne l'oubliez pas, je n'avais pas encore en main une seule carte pour la grande partie que j'avais à jouer. Je levai ma lorgnette et examinai longuement votre visage. Un magnifique visage en vérité, opinion depuis longtemps arrêtée entre vous et votre miroir. Je fus, je vous en demande pardon, désappointé. N'eussiez-vous été qu'une femme déshonnête, mes chances n'en eussent été que meilleures. Eussiez-vous été même bossu, je ne parle que d'une légère élévation d'une blanche épaule plus orgueilleuse peut-être que sa compagne, votre chevelure eût elle-même été colorée d'un soupçon de nuance rouge, que les préjugés condamnent, que c'eût été pour moi un avantage superbe. Vain espoir de vous conquérir par la flatterie. Puis un nouveau coup d'œil m'apprit que vous n'étiez pas assez naïve pour vous laisser subjuguer par un stratagème ou égaré par des phrases romanesques. Et cependant, mademoiselle, je ne désespérais pas encore. Vous étiez belle, vous étiez passionnée. Dans vos veines coulait le sang ardent d'une nation dont les enfants aiment ou haïssent jusqu'à la folie. Vous aviez en un mot un cœur et vous pouviez avoir un secret. Monsieur. Sous aucun rapport, vous observer n'était pas perdre son temps et en conséquence, je vous observais. Deux ou trois gentilshommes vous parlaient, vous n'écoutiez aucun d'eux. Vous vous laissiez adresser la même question trois fois et à la seconde interrogation, vous aviez un tressaillement de surprise et faisiez un effort pour répondre. Vous étiez distraite. Or, comme je vous l'ai appris, mademoiselle, dans la science des mathématiques, nous ne reconnaissons pas d'effet sans cause. Il y avait donc chez vous une cause à cette distraction. Après quelques instants, le rideau se leva. Vous n'étiez plus distraite. Robert le diable arriva sur la scène. Vous étiez toute attention. Vous vous efforciez, mademoiselle, de ne pas paraître attentive, mais votre bouche, le trait le plus expressif de votre visage, vous trahissait. La cause alors de votre première distraction était Robert le diable. « Monsieur, par pitié, » dit-elle d'un air suppliant. Ce fut la carte de mon jeu numéro un. Mes chances étaient à la hausse. Quelques minutes après, je vous vis jeter votre bouquet sur la scène. Je vis aussi le billet. Vous aviez un secret, mademoiselle, et j'en tenais le fil. Mes cartes étaient bonnes. Le reste était l'affaire de la conduite du jeu. Je savais que je n'étais pas mauvais joueur et je me mis à la partie avec la détermination d'en sortir vainqueur. Finissez le récit de vos infamies, monsieur. Je vous en prie, cela devient réellement insupportable. Elle essaye, en parlant, d'imiter l'indifférence de manière de son interlocuteur, mais elle est complètement subjuguée et terrassée. Elle attend qu'il continue comme la victime attend le bon plaisir du bourreau, et cela sans la moindre idée d'opposition. J'ai donc, mademoiselle, très peu de choses à ajouter, c'est de réclamer ma récompense. Cette récompense est votre main. » Il dit ces mots comme s'il n'avait jamais imaginé un seul instant la possibilité d'un refus. « Êtes-vous fou, monsieur ?» Elle a, depuis quelques instants, prévu cette gradation et elle comprend qu'elle est tout à fait impuissante entre les mains de cet infâme scélérat. Son infamie, cependant, elle ne la connaît pas encore. « Voyons, mademoiselle, rappelez vos souvenirs. Un homme a été empoisonné. » Il est assez facile de faire naître les soupçons, toujours disposé à se mettre en jeu et beaucoup plus prêt à se mettre à l'œuvre. Il est assez facile de prouver un certain mariage secret, une certaine visite à minuit chez ce fameux et pas très respecté chimiste, M. Blurosset. Il est facile de produire le bon signé par Mademoiselle de Sévennes. Et ces preuves n'entraîneront-elles pas, avec elles, la conviction que je suis l'heureux possesseur d'un verre, portant le blason de votre famille, dans lequel existe encore le dépôt d'un poison bien connu des membres distingués de l'art médical. Je crois, mademoiselle, que ces quelques preuves, ajoutées aux puissants motifs révélés par votre mariage secret, seraient tout à fait suffisantes pour donner à tous les journaux de France de la besogne avec les détails des circonstances d'un assassinat sans précédent dans les annales criminelles de ce royaume. Mais, mademoiselle, je vous ai fatiguée. Vous êtes pâle, épuisée. Je n'ai pas l'intention de vous arracher violemment l'acceptation de mon offre. Réfléchissez à tout cela, et demain, apprenez-moi votre décision. En attendant, adieu. » Il se lève en parlant. Elle incline la tête en signe d'assentiment à sa dernière proposition et il la quitte. Sait-il ou suppose-t-il qu'il existe encore une autre raison pour rendre possible l'acceptation de sa main? Pense-t-il que son eau obscure peut être aussi une garantie pour elle dans les jours à venir? Oh, Valérie, Valérie, à jamais poursuivie par le fantôme aux cheveux noirs et aux grands yeux disparus de ce monde pour ne plus y revenir. à jamais tourmenté par l'image de l'amour qui ne fut, même dans ses jours les meilleurs et les plus heureux, qu'un rêve décevant, d'autant plus trompeur qu'il était plus tendre, d'autant plus cruel qu'il était plus doux, un mensonge d'autant plus amer qu'il semblait être une plus sainte vérité. Pleure, Valérie, pour les longues années à venir, où l'écho sinistre répétera toujours « Oh, jamais, jamais plus !»